C'est ma saison. Nimda wangu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Merci Seigneur. Asante buona. Est-ce que là où tu es, tu peux acclamer très fort le Seigneur? Chapie buona makofi. Acclame très fort le Seigneur. Shangiliemo. Hallelujah. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Utukufu kwa Mungu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Bwana tubariki. Ce soir, ça va être particulier. Je ne sais pas comment le Seigneur va nous amener. Mangaribi alo itakuwa ya upeke si Dieu jinsi Bwana atatuelekeza. Je sens qu'il faut qu'on prie. Nasikia kama natubidi kuomba. Alléluia. Amen. Je sens qu'il faut qu'on prie. Nasikia kama nabidi tuombe. Le Seigneur m'a dit une chose. Bwana ameniambia jambo moja. Que ya kwamba dans ce tournant, katika mkutano huu, il y aura des gens qui vont être établis. Pana watu watashimikwa. Et il y a des gens qui vont être rétablis. Na kuna watu watashimikwa upya. Il y a une forte onction de restauration ici. Pana upako ya kurekebishwa mali hapa. Il y a des gens qui vont être rétablis. Kuna watu watarekebishwa upya mali hapa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui vont être rétablis ce soir. Mungu atarekebisha watu upya jioni ya leo. Je disais, il y a des gens qui vont être rétablis ce soir. Nilikuwa nikisema watu watashimikwa upya jioni ya leo. Hier, nous étions en train de parler de l'établissement dans le domaine spirituel. Jana tuliongelea kuhusu kushimikwa katika ngazi za kiroho. Et nous avons dit que il était important. Na tulisema kama ilikuwa ya muhimu. Que nous puissions nous revêtir. Ya kwamba tuvae. De la plénitude de la divinité. Tuvae umungu. Pas d'une portion. Hapana kwa sehemu. Mais de la plénitude réellement. Lakini tujae tuvae umungu kwa utele. Parce que Dieu. Sababu Mungu. Il veut que nous soyons de ceux-là qui le représentent aussi sur la terre. Anapenda tuwe mabalozi wake tukimwakilisha hapa. La Bible dit qu'en Christ était toute cette divinité, cette plénitude de la divinité était en Christ. Biblia nasema umungu wote ulikuwa ndani ya Kristo. Et Christ il est en nous, donc nous devons nous revêtir de cela. Na Kristo ndani mwetu inamaanisha tuvae umungu wote. Celui qui est établi en esprit, il opère dans les domaines de l'esprit. Anaheshimikwa kwa ngazi la roho, anafanya mambo yake yote kwa kiroho. Parce que le vrai combat de la vie se passe dans l'esprit. Maana vita ya kweli ya maisha ni katika ngazi la roho. C'est comme ça que Moïse demandait à Dieu, il dit que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, puisse établir quelqu'un. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est important que tu ne te laisses pas faire. Parce que tu es fils de Dieu et que tu marches dans l'esprit. Alléluia. Amen. Il faudrait que lorsqu'on te cherche, on te cherche spirituellement, on te trouve dans des hauteurs parce que Dieu t'a établi dans les hauteurs. Alléluia. Amen. Alors tu dis à ton voisin, tu n'es pas un petit joueur. Ambia aliye karibu nawe. Je ne suis pas un petit joueur. Parce que désormais je joue dans la cour des grands. Nous avons dit que Dieu n'est pas un homme. En fait, quand on dit Dieu n'est pas un homme, ça veut dire que Dieu, il faut pas le cerner dans ton imagination des hommes. Parce que quand nous on réfléchit, on réfléchit en termes de ce que nous connaissons. Et ce que nous connaissons nous limite déjà. C'est pour ça que notre papa nous avait enseigné sur la connaissance de Dieu. Tu dois connaître ton Dieu. Pas en fonction de ce que toi tu connais. mais en fonction de ce que tu connais de ton Dieu. Parce que tes limites sont étendues en fonction de la connaissance que tu as de ton Dieu. C'est pour cela que quand Balaam voulait maudire le peuple d'Israël, il vient dire à Balak, en tout cas leur Dieu n'est pas un homme. Ce qu'il a dit, il le fera. Dieu n'est pas un homme. Dieu n'opère pas dans la dimension des hommes. Dieu n'opère pas dans la catégorie des hommes. Il est tellement haut. Comme nous aimons chanter, il fait des choses à sa taille. À son niveau. Selon sa grandeur. C'est pour cela qu'il est important que tu marches avec le Dieu que tu connais. J'aimerais ajouter quelques points aujourd'hui. La première des choses, c'est que Dieu ne travaille pas comme un homme. La Bible dit dans Daniel 2:21 que Dieu il transforme les événements. Il change les temps. La version Semer dit ceci, qu'il fait changer les temps. Version Semer inasema anabadilishaka nyakati. Et modifie les circonstances. Na anaunda upya majira. Ça c'est ton Dieu. Huyu ni Mungu wako. Il change les temps. Anabadilisha muda. Et il modifie les circonstances. Na anatengeneza upya majira. La Bible dit que inasema. L'esclave il parvient à régner. Dans Proverbe. Katika Zaburi. Quand on parle d'un esclave qui arrive à régner, ça veut dire que les circonstances sont changées et ça étonne les gens. Inamaanisha majira ilibadilika na inashangaza watu. Je suis en train de prier que quelqu'un, que sa vie puisse changer au nom de Jésus. Que Dieu modifie les circonstances dans lesquelles tu es en train de vivre maintenant. Daniel dit ceci, il renverse les rois et établit les rois. Danieli anasema anapindua wafalme na anashimika pia wafalme. Il renverse et il établit. Yeye ndiye anawapindua na kuwashimika. Ça c'est ton Dieu. Huyu ni Mungu wako. Bien aimé, il modifie les circonstances. Pendwa anatengenezaka upya majira. Quand vous lisez 2 Samuel 9. Ukisoma Samuel wa pili kenda. Le premier verset, le deuxième verset. Versi ya kwanza na ya pili. C'est en fait l'histoire de Mephibosheth. Inakuwa historia ya Mephibosheth. Que nous connaissons. Ambaye tunafahamu. Mephibosheth était l'enfant de Jonathan. Mephibosheth alikuwa mwana wa Jonathan. Et lorsque Jonathan et Saul, son père, étaient assassinés dans le combat, wakati Jonathan na baba yake Saul walikufa katika vita, on est venu annoncer que le roi était mort, Jonathan était mort et le peuple, les fidèles de Saul ont commencé à fuir. Et la nourrice de Mephibosheth a pris l'enfant, a commencé à fuir. Il était encore enfant. L'enfant est tombé, il s'est fracturé les pieds, il n'arrivait plus à marcher. Il ne pouvait plus marcher. Mephibosheth, on l'a placé à Lodebar, très loin. On l'a placé, on l'a isolé. Mephibosheth akawekwa pa Lodebar. Mais regardez ce que Dieu fait. David se réveille un bon jour. Il se réveille un bon jour. Mephibosheth n'est au courant de rien. Il ne sait rien. Mais David se lève. Il dit ceci. Y a-t-il quelqu'un dans la maison de Saul pour que je lui fasse du bien? Mephibosheth n'avait aucune idée de ce qui se passait. Mais lorsque Dieu se décide de faire quelque chose dans ta vie, il va réveiller quelque chose qui va t'élever. Mephibosheth n'était au courant de rien. Mais dans le palais royal, on parlait de lui. Alléluia. Amen. On parlait de lui. Je suis en train de déclarer ceci. Que quelque part, quelque chose se prépare pour toi. Quelque chose est en train de se préparer pour toi. C'est que tu ne sais pas, c'est qu'un jour on t'appellera comme ça. Parce que le Dieu que tu pries, il modifie les circonstances. Il modifie les événements. Il est le Dieu qui change les choses. Mephibosheth ne savait pas. On nous avait parlé de David. David n'avait aucune idée de ce qui s'est passé dans sa maison. Dans la maison de son père, on était en train de chercher le roi. Mais David était absent. On a amené l'onction. On voulait mettre sur les nez. Dieu dit ce n'est pas lui. Et on a terminé tout le monde. Tant que tu n'es pas là, l'onction restera dans la corne. Il faut ta présence. La Bible dit, on Bible est allé les chercher. Il n'a pas compris, il vient, il trouve des gens dans la maison en train de parler. Qu'est-ce qui se passe? Il voit seulement, on lui dit, passe ici. On lui dit, passe ici. Mets-toi à genoux là. Et on commence à verser de l'huile dans sa tête, sur sa tête. David n'avait aucune idée de ce qui s'est passé. Mais quand Dieu se décide de modifier quelque chose dans ta vie, il le fait. Voilà pourquoi il n'est pas un homme. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que Dieu... Jésus a dit ceci dans Luc 18, 27. Il dit ce qui est impossible pour les hommes ne l'est pas pour Dieu. Ça ne l'est pas pour Dieu. Des fois, nous nous approchons de Dieu croyant que ce que nous voulons lui demander est impossible. La Bible dit ceci, que la façon de faire de Dieu n'est pas la même façon de faire pour les hommes. Quand vous lisez le livre de Esaïe 55, à partir du verset 8e, la Bible dit ceci, vos pensées ne sont pas mes pensées, c'est Dieu qui parle. Votre façon de raisonner ne sont pas votre façon de faire ne sont pas mes façons de faire. Il dit, il y a une grande différence entre ce que moi je veux faire et ce que vous faites. Dieu est au-dessus. Alléluia. Amen. Dieu est au-dessus. Alors ce soir, j'aimerais juste dire ceci. Que Dieu veut rétablir certaines personnes ici. Dieu veut rétablir certaines personnes, restaurer certaines personnes. Quand nous lisons les livres de Genèse 41, vous pourrez lire à partir du verset 25e. C'est l'histoire de Joseph qui est en train d'interpréter le songe de Pharaon. La Bible dit ceci, que Joseph arrive, il interprète le songe. Musa amekuja na ametafsiri ndoto. Et il fait quoi? Et il donne aussi la solution. Comment est-ce qu'on peut résoudre les problèmes? Nakapana suluhisho namna jinsi inaweza kupatikana. La Bible dit ceci, les sept vaches belles sont, ça c'est le verset 26e, les sept vaches belles sont sept années, et les sept épis beaux sont sept années. C'est un seul songe, parlant des vaches et des épis. Les sept vaches décharnées et laides qui montaient derrière les premières sont sept années et les sept épis vides brûlés par le vent d'Orient seront sept années de famine. 27, 28. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura sept années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. Sept années de famine viendront après elle, et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte, et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu ce songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. 33. Maintenant, à partir de là, Joseph est en train de donner la solution à Pharaon. Il se passe deux choses. La première des choses, il interprète le songe. La deuxième des choses, il est en train de donner la solution au problème qui va se poser. Qu'est-ce que ça veut dire? La première des choses, il a utilisé le don, le talent que Dieu lui avait donné pour interpréter le songe. Mais la deuxième des choses, Joseph n'a appliqué que ce qu'il avait appris dans le moment de souffrance. Je suis venu dire à quelqu'un ceci. Il y a des choses que le Seigneur est en train de t'enseigner pendant que tu es en train de traverser des moments de sécheresse. Tant que tu n'as pas encore compris ce que Dieu t'a enseigné, ton établissement n'arrivera pas encore. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tant que tu n'as pas encore appris, quand tu n'as pas encore discerné ce que Dieu t'a enseigné pendant ce moment, c'est que tu n'as pas encore atteint le niveau d'être établi. Parce que la Bible dit, lorsque Joseph a fini d'expliquer les choses, il a donné la solution. Il s'est passé quelque chose. Pharaon dit, où est-ce que je vais trouver un homme comme lui? Mais les choses que Joseph était en train de parler, il les a appris dans la maison de Potiphar. Quand il était en train de gérer les biens de Potiphar, alors qu'il était esclave, c'est là qu'il était en train d'apprendre ces choses. Il les a appris en prison. Lorsqu'il était en prison, la Bible dit qu'on lui avait donné la gestion des prisonniers. Il a appris à gérer les hommes. Qu'est-ce que tu apprends dans l'état actuel de ta vie? Qu'est-ce que Dieu t'a enseigné? Qu'est-ce que Dieu t'a appris? Nini Mungu amekufunza? Tu étais peut-être divorcé. Yawezekana ulikuwa umetenganishwa katika ndoa yako. Le divorce s'est très mal passé. Mambo yalikuwa mabaya. Mais ce que tu ignores, unayosahau. Dans cet état-là, katika hali hiyo, Dieu était en train de te parler. Mungu alikuwa anaongea nawe. Qu'est-ce que tu as retenu de ces choses? Nini ulishika? Tu étais en train de travailler. Après, on t'a chassé du travail. Wakakufukuza kazini. Qu'est-ce que tu as appris? Nini ulijifunza? Il y a des gens qui sont passés dans des moments difficiles. Kuna watu wamepitia nyakati ngumu. Parce que Dieu voulait les rapprocher d'eux. Sababu Mungu alipenda kuwakokota karibu naye. Est-ce que tu as compris le message de Dieu? Je ulielewa ujumbe wa Mungu? Ou bien tu continues à pleurer? Ama unaendelea tu kulia? Tu es en train de passer des moments très durs. Mais Dieu est en train de t'enseigner quelque chose. Tant que tu n'as pas encore retenu la leçon, tu ne seras pas élevé. Parce qu'il faut que tu comprennes ce que Dieu voulait t'enseigner. Il y a des gens à qui Dieu enseigne à être fort dans la prière. Parce que ce que Dieu veut mettre entre tes mains, si tu n'es pas une personne avertie dans la prière, tu vas perdre. Mais ce que tu fais, c'est que tu commences à pleurer. Tu ne fais que pleurer. Mais qu'est-ce que tu as retenu comme leçon? Si Joseph disait, je suis esclave, que je ne peux rien faire, je ne veux rien apprendre. Mais Joseph, devant Pharaon, il n'allait pas être premier ministre. Après avoir interprété, on allait lui dire, tu peux partir. Et ils allaient se débrouiller pour trouver des solutions. Qu'est-ce que Dieu t'enseigne pendant ces instants? Qu'est-ce que Dieu t'enseigne? Nous connaissons l'histoire de Job. La Bible dit que Job était intègre. Dieu l'a vanté. Mais vous savez que Job avait un problème. Job avait un estime trop. Il s'est surestimé. Ayubu alikuwa anajiwazia zaidi. Job s'est surestimé. Alijiwazia zaidi. Il y a des moments où il disait à Dieu, dis-moi, est-ce que même mes yeux ne se sont pas arrêtés devant une femme? Alikuwa anambia Mungu muda fulani ni niambie. Hata macho yangu haisimamake kuona wanawake. Il dit à Dieu, Seigneur, tu m'as regardé, est-ce que tu as vu en moi l'iniquité? Dis-moi, Seigneur, pourquoi je vis ces choses? Anambia Mungu nione, je umeona ndani mwangu uchafu? Mais Dieu voulait lui apprendre l'humilité. Mungu alipenda kumufunza unyenyekevu. Quand tu souffres, wakati unateseka, ce n'est pas forcément parce que tu as fait quelque chose. Si kwa sababu umefanya jambo fulani. Mais c'est parce que Dieu est en train de t'enseigner quelque chose. Ni kwa sababu kuna kitu Mungu kuna. Mais est-ce que tu as discerné ce que Dieu est en train de te dire? Je ulielewa hiyo ambayo Mungu kuna kuambia. Job dit, Seigneur, viens, je vais parler, tu vas m'entendre. Ayubu anasema Bwana kuja natamani unisikie. Job cherchait des justifications. Ayubu alitafuta masababu. Comme toi et moi, peut-être nous en cherchons. Kama wewe nami tunayatafuta. Seigneur, pourquoi j'ai fait ce, pourquoi je suis en train de vivre ces choses? Bwana, kwa nini naishi mambo haya? Pourquoi je suis en train d'expérimenter ces choses? Kwa nini naishi mambo haya? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie, Seigneur? Nini inapitika maishani mwangu? Je n'ai rien fait. Sikufanya kitu. Je n'ai pas péché. Sikutenda zambi. Mais ce que tu ignores, c'est que Dieu veut que tu apprennes quelque chose. C'est que Dieu veut t'enseigner quelque chose. C'est que Dieu veut te montrer quelque chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Biblia nasema hivi. Que lorsque Job, dans chapitre 42, il dit ceci. Il dit, mes oreilles avaient entendu parler de toi. Anasema, masikio yangu ilisikia wakikuongelea. Maintenant je t'ai vu. Sasa nimesha kuona. Mais il dit ceci. Lakini anasema hivi. J'ai parlé comme un insensé. Niliongea kama pumbafu. Des choses qui me dépassent. Mambo inayonizidi. Et je me repens. Natubu. En fait Job, Ayubu, avait compris une leçon. Alielewa funzo. Que Dieu est grand. Ya kama Mungu ni il fait ce qu'il veut. Anafanya kile anapenda. Mais Job avant les épreuves il ne connaissait pas ces choses. Ayubu mbele ya majaribu akujua hiyo mambo. Mais la Bible dit, dans le chapitre 42, le verset 10e, le verset 10e, et c'est là que la Bible dit, quand il a compris ces choses, quand il a discerné ces choses, la Bible dit, l'Éternel le rétablit. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Du premier chapitre jusqu'au 42e chapitre, Job n'avait pas encore compris. Il ne faisait que se plaindre. Il ne faisait que se lamenter. Mais Dieu voulait lui faire voir que je suis Dieu, que tu ne peux rien. Lorsque Job a compris, c'est alors que Dieu l'a restauré. Est-ce que tu as compris la leçon de ta vie? Les choses que Dieu t'a enseignées, c'est ce qui va te permettre de te maintenir dans ton établissement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les souffrances que tu es en train de vivre, mateso ambayo unapitia, cherche à comprendre, Seigneur, qu'est-ce que tu m'enseignes? Tafuta kujua Bwana unanifunza nini? Sûrement le Seigneur est en train de t'enseigner le pardon. Bwana iko na kufunza msamaha. Tant que tu n'as pas pardonné, kama ausame, il ne peut pas t'établir. Hawezi kushimika. Parce que le pardon te permettra de te maintenir sur ta situation. Msamaha itakusaidia ubaki katika kushimika. Peut-être que le Seigneur est en train de t'apprendre à prier. Yawezekana Mungu iko na kufunza kuomba. Parce qu'avant tu ne priais pas. Sababu mbele ulikuwa aombe. Parce que c'est ce qu'il va mettre entre tes mains. S'il te le donne, yale anayokupatia mkononi, quand l'ennemi va venir, adui akikuja, tu ne prieras pas, hautaomba, et il va arracher. Nataichukua. Qu'est-ce que Dieu t'enseigne? Kitu gani Mungu? Qu'est-ce que Dieu t'a appris? Nini Mungu anakufunza? Parce que tu dois être établi. Inabidi ushimikwe. Mais tu ne seras établi que sur base de ce que tu as appris. Utashimikwa juu ya yale ambayo umejifunza. L'être intérieur. Uto wako wa ndani. L'être intérieur. Uto wako wa ndani. Il est forgé parce qu'il a vécu dans la vie. Kwa yale ambayo imepitia. Si je suis fort, kama niko nguvu, ce n'est pas parce que je suis né fort, si kwa sababu nimezaliwa mwenye parce que les épreuves par lesquelles je suis passé, kwa sababu vipimo nimepita ndani, j'ai tiré les leçons de la vie, vimenifunza, et c'est ça qui me fait marcher. Na niyo ndio nafanya kwamba nitembee. Peut-être que Dieu t'apprend à être discret. Yawezekana Mungu yuko nakufunza kujua kujiweka. Mais toi, c'est ta bouche qui va te tuer. Lakini wewe ni kinywa yako ndio utakuwa. Alors Dieu te fait passer par une situation. Bwana anakupitisha katika hali fulani. Pour t'apprendre à être humble. Ili kwamba kufunze kuwa mnyenyekevu. À te taire. Kunyamanza. Dis à ton voisin, qu'est-ce que Dieu t'apprend? Tu ne fais que pleurer. Mais qu'est-ce que Dieu t'enseigne? Qu'est-ce que Dieu t'enseigne? Qu'est-ce que Dieu t'a montré? Peut-être que lorsqu'on t'a chassé du boulot, tu avais commis des erreurs. Mais tu es tellement orgueilleux que tu ne veux pas reconnaître ces choses. Autant, aussi longtemps que tu ne reconnaîtras pas ces choses, Dieu va te laisser là jusqu'à ce que tu comprennes la leçon. Mais quand tu comprendras, Dieu va dire maintenant je peux lui faire confiance. Je peux lui faire confiance. Parce que si je lui donne ce que je dois lui donner maintenant, je sais qu'il prendra soin de cela. Qu'est-ce que Dieu t'a enseigné? La Bible dit, après ces choses, Dieu a rétabli Job dans son ancien état. Ensuite, il lui a donné le double de ce qu'il avait. Mungu alimpatia maradufu yale aliyokuwa nayo. Dieu l'a rétabli. Bwana alimshimika upya. Ce soir, je suis venu juste dire à quelqu'un. Nakuja kumwambia mtu jioni ya leo. Que Dieu veut te rétablir. Ya kama Bwana anapenda kukushimika upya. Mais la question est celle-ci. Lakini swali ni hili. Est-ce que tu as compris la leçon? Je, umeshakuelewa funzo? Est-ce que tu as discerné ce que Dieu te donne comme message? Umeshakuelewa funzo Mungu anayokupa? Pendant cette période où tu es en train de galérer. Kwa muda huu ambao uko na yumba. Pendant cette période où tu ne comprends pas. Pendant cette période où tu ne discernais pas les choses, il y a un message pour toi. Est-ce que tu l'as compris? Est-ce que tu l'as discerné? Est-ce que tu as entendu la voix du Seigneur? Incline-toi dans la prière. Dieu est en train de t'enseigner une chose. Tant que tu ne comprendras pas ces choses, quand tu ne comprendras pas ces choses, tu ne seras pas rétabli. Le Seigneur m'a envoyé ce soir pour dire à quelqu'un, je suis prêt à t'établir. Mais tu ne veux pas comprendre ce que je suis en train de t'enseigner. Tu ne veux pas comprendre ce que je suis en train de t'apprendre. Tu ne veux pas comprendre ce que je suis en train de vouloir te faire te communiquer. Tu penses que je ne suis pas avec toi. Mais alors que je suis avec toi, je suis venu parler à ton cœur. Mais tu ne veux pas m'écouter. Tu ne veux pas m'écouter. Tu ne veux pas m'écouter. Aujourd'hui, ça se passe tellement calme. Parce que le Seigneur est en train de parler au cœur de quelqu'un ici. Il est en train de parler dans le cœur de quelqu'un. Le Seigneur me disait, je veux rétablir certaines personnes. Je veux rétablir certaines personnes sur leur trône. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je sais que ce message, ce n'est pas pour tout le monde. Mais c'est pour certaines personnes. Toi à qui Dieu a parlé dans ton cœur. Si tu sens que c'est cela ton message, ce soir le Seigneur m'a envoyé vers toi. Je voulais venir différemment. Je voulais dire autre chose. Le Seigneur m'a dit, dis ce que je t'ai demandé de dire. Et je suis venu t'interpeller. Tant que tu n'as pas compris la leçon, tant que tu n'as pas compris le message de Dieu dans ta vie, tant que tu n'as pas compris ce que tu dois changer, Dieu te dit, il ne peut rien faire pour toi. Parce que ce qu'il veut mettre dans tes mains, c'est tellement fort que tant que tu n'as pas compris, tu ne peux pas les recevoir. J'aimerais prier avec toi. Je vais simplement te demander de passer devant et nous allons prier. Ce soir, je suis venu pour très peu de personnes. Mais je te demande de venir ici devant. Et je vais prier avec toi. Car il y a une onction de restauration ce soir. Dieu va restaurer ce qui a été brisé. Dieu va restaurer ce qui a été cassé. Est-ce que tu as compris la leçon? Est-ce que tu as compris le message? Ce que Dieu voulait te dire. Ce que Dieu est en train de te dire. Tant que tu n'as pas compris, tant que tu n'as pas discerné, tant que tu n'as pas compris ces choses, tu ne peux pas être établi. Oh Jésus. Asante Yesu. Robo shatarabababa. Ce n'est pas un problème, restez même dans le couloir, c'est pas grave. C'est les gestes qui comptent. C'est simplement les gestes qui comptent. Dieu voit la sincérité de ton cœur. Si tu es sincère dans ce changement, si tu es sincère dans ce que Dieu t'a enseigné et est en train de t'apprendre, Robo Shataraba Santa Shande Rebo Shikaraba Santeri Abasaka. Est-ce qu'on peut commencer à murmurer quelque chose? Là où tu es, murmure simplement quelque chose. Murmure, si tu parles en langue, commence à parler en langue. Dis à Dieu, je me repens. Parce que je n'ai pas voulu comprendre. Je n'ai pas voulu discerner le message que tu étais en train de me donner. Robo Shataraba Santa. Rebo Shikerebo Shindaraba Baba. Gloria rabo shanta rabo shete rebo saka. Ende rebo shita raba baba baba baba. E rebo saka rabo shete. Seigneur, le cœur de quelqu'un ici est tout à toi, Seigneur. Est tout à toi, Seigneur. Prie, parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Alléluia. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Je vais attendre, Seigneur. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Il y a une forte onction ce soir. Alléluia. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Elia, Elia, Elia, Elia. Alléluia. Elia. Alléluia. Le Seigneur me dit qu'il est en train de ôter certains manteaux. Il me dit, je suis en train d'ôter certains manteaux. Parce que mes enfants sont en train de comprendre. Je suis en train d'ôter certains manteaux. Panakoti Mungu ekonaondosha. Urabashata rabo santa rababa. Nayoka na sango. Lelo na mona yo. Nayoka yo. Na basango. Oh yes. Nayoka yo. Na basango. Lelo na mona yo. Nayoka yo. Seigneur, je veux te voir. Seigneur, je veux te voir. Seigneur, je veux te voir. Seigneur, je veux te voir. Seigneur, je veux te voir. Et à moche de rebo saga. Et probo chante revolé. Ira baba baba baba baba. Et rabo chante revolé. Ré mama mama. Osa et bochete. Ira baba baba baba. Gloria rebo chante revolé. Rakereboshite, mando reboshete, ashodo roboro, raba baba baba baba baba, esonde reboshata, e raboshete reboshinde rebosata, hallelujah, hallelujah. Quelque chose est en train de se passer. Una kitu kikona fanyika. Quelque chose est en train de se passer. Una jambo likona tendeka. Quelque chose est en train de se passer. Kitu kikona fanyika hapa. Quelque chose est en train de se passer. Jambo fulani likona tendeka. Le Saint-Esprit est en train d'agir. Roho Mtakatifu kona tenda. Le Saint-Esprit est en train de te rétablir. Roho Mtakatifu kona kushimika. Sois rétabli maintenant. Ushimikwe sasa. Sois rétabli maintenant. Ushimikwe. Sois rétabli maintenant. Ushimikwa upya. Rebo shanda rabo shata raba ba ba ba ba ba. Rebo sante rebo shete rebere, reyama sante rebo shete rebere, ikarabo santa raba baba ba, korabo shande rebo sakara baba baba, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dieu est en train de changer le cœur des gens ici. Il y a des gens qui ont des cœurs durs comme de la pierre. Comme de la pierre. Comme de la pierre. C'est pour cela que le Seigneur t'a laissé dans la situation où tu étais. Mais le Seigneur me dit une chose. Je l'entends clairement me dire qu'il est en train de changer de cœur ici. Parce qu'il sait que s'il te donne ce qu'il voulait te donner, tu feras plus de dégâts que ce que tu es en train de faire maintenant. Arrête d'avoir ce cœur. Arrête d'avoir ce cœur. Arrête d'avoir ce cœur. Est-ce qu'on peut s'élever? On lève juste les mains. Tunyoshe mikono yetu. Nous tous qui sommes devant, levons-nous simplement et levons les mains. Et ceux qui sont à l'arrière, levez-vous. Toute l'église, si on peut s'élever. Nous allons prier pour demander à Dieu d'envoyer cette pluie de restauration. Parce que Dieu veut rétablir certaines personnes. Professionnellement, Dieu veut rétablir certaines personnes. Dieu sait que tu avais commis des erreurs. Mais il sait aussi que tu es son enfant. Et il veut te rétablir. Dieu veut te rétablir dans ton mariage. Dieu veut te rétablir dans ton mariage. Je vois, il y a des femmes qui ont longtemps souffert. Tu as tellement souffert. Et pourtant on t'a épousé légalement. Et pourtant on t'a épousé coutumièrement. C'est ton trône. C'est ton trône. Dieu veut te rétablir sur ton trône. Dieu veut, je ne sais pas, depuis que je suis arrivé à Goma, c'est ça, ça me travaille l'esprit. Et toutes les personnes que je rencontre, c'est toujours des problèmes dans les mariages. Mais mon Dieu me dit, je suis venu pour rétablir certains mariages. Je veux vous dire une chose. C'est qui les aime. J'allais venir à Goma le 15 ou le 16. Nilipashwa kuja pa Goma kwa tarehe 15 ama 16 ya mwezi. Je devais aller à une formation le 10 jusqu'au 5. Jusqu'au 15. Kwenda katika kongamano fulani kuanzia tarehe 10 hadi 15. Mais avant le tournant au mois de mars. Lakini kwa mwezi wa 3, le Seigneur était en train de me dire, laisse ce travail. Je veux que tu laisses. J'ai dit à Dieu, j'ai des défis, j'ai des choses à faire. Il me dit laisse. Je ne savais pas que c'était pour que je vienne passer un mois ici. Mon chef m'a dit, Crispin reste, on te donne un contrat à durée indéterminée. Crispin, baki tunakupatia kazi ambayo haina mwisho. J'ai pleuré. J'ai dit à Dieu, pourquoi tu me fais ça? Le pasteur Isaac de Bon Berger, il venait me voir dans mon appartement. Il voyait que j'étais pas bien. J'étais en train de lutter avec Dieu. Je voulais pas laisser. Dieu me dit, laisse tout. Quand papa m'a appelé, je ne savais pas non plus pourquoi. Je lui ai dit, je viendrai dans la deuxième partie du mois. C'était sans savoir ce que Dieu prévoyait pour moi. Dieu voulait que je sois là dès le début. Je suis arrivé. Je voulais partir dès le 10. Dieu s'est arrangé pour que même la formation soit annulée. Je veux te dire une chose. Si Dieu a fait ça pour moi, c'est parce qu'il voulait que je reçoive quelque chose. Je suis en train de recevoir des grandes choses ici. Ça fait deux fois que Dieu me dit de tout arrêter pour venir assister au tournant. Mais cette fois-ci, je suis différent. Alors je vais te donner un conseil. Ce qui se passe ici, ce n'est pas rien. Il y a quelque chose qui s'est produit. Il y a quelque chose qui est en train de se produire. Il y a quelque chose qui est en train de se faire. Je n'avais pas envie de venir avant. Et si j'acceptais ce travail-là, je n'allais peut-être avoir que 3 ou 4 jours d'être ici. Mais je ne sais pas pourquoi Dieu a voulu que je fasse un mois ici. Il m'a envoyé aussi pour te dire qu'il est le Dieu qui restaure, qu'il est le Dieu qui rétablit. Alors nous allons lever nos mains. Dis simplement à Dieu, kumwambia Mungu. Seigneur. Bwana. Seigneur. Bwana. Rétablis-moi. Nishimike upya. Rétablis-moi. Nishimike upya. Rétablis-moi. Nishimike upya. Que le vent de la restauration. Mpepeo wa kujengwa upya. Que le vent de la restauration. Mpepeo wa kujengwa upya. Puisse tomber dans ma vie. Uanguke maishani mwangu. Là où il y avait la sécheresse. Pale ambapo palikuwa ukimwi. Laisse que ça puisse fleurir. Acha uwake. J'ai besoin de la restauration. J'ai besoin d'être rétabli. Rétablis-moi, Seigneur. Rétablis-moi, Seigneur. Rétablis-moi, Seigneur. Rétablis-moi, Seigneur. Rétablis-moi, Seigneur. Je veux être rétabli. Sans ce vent qui est en train de souffler maintenant. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Je ne connais qu'un seul amour, Zambo Yandima Komikaba, Komi Pesa Mobimba, Mokondo Yako Kananyoso, Ozanyo Sambo Tuyanga, Ozanyo Sambo Tuyanga. Nanyango nako kanisa. Nanyango nako kanisa na yo. Nalikolo pa wanase. Bona katia mote mananga. Je ne connais qu'un seul amour. Zambo yandima komi kaba. Komi pesa mobima. Mokonzo yako kananyoso. Ozanyoso amotu yananga. Oh yes. Ozanyo swa motu yananga. Nanyango nako kanisa. Nanyango nako kanisa na yo. Nalikolo pa wanase. Ona katia mote mananga. Chekone kenselamu. Zambo yandima komikaba. Komi pesa mobima. Okonzo yako kananyo. Nyanyango nako kanisa, encore une fois. Nyanyango nako kanisa na yo. Nalikolo pe wanase. Bona katia mote mananga. Chekone kense lamu. Zambo ya zima komikaba. Komi pesa mobiba. Okonzo ya koka na nyoso. Oza nyoso motu ya nanga. Seigneur, Buana, tu m'as envoyé ce soir parce que tu voulais rétablir certaines personnes. Seigneur, ils sont là devant toi. Fais le travail que tu as voulu faire. Agis comme tu as voulu agir, Seigneur. Je m'abandonne entre tes mains. Et je te les abandonne entre tes mains. Seigneur, fais-leur du bien. Seigneur, fais-leur du bien. Seigneur, fais-leur du bien. Seigneur, fais-leur du bien. Dans le nom de Jésus. Vous pouvez rentrer à vos places. Que Dieu vous bénisse. Que le Dieu que je sers se souvienne de vous.